Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Et dans les 2 jours qui suivent, le Premier ministre, Félix Houphouët-Boigny, pour la Côte d'Ivoire.